Mystère éclairci par Emma Orczy. Épisode 1er. Le mystère de Fenchurch Street. Le vieil homme, qui se trouvait dans le coin à la table voisine de la mienne, reposa son verre de lait et s'accouda sur la table. « Des mystères, s'écria-t-il. Il n'y a de mystère en aucun crime, si les investigations sont intelligentes. » Stupéfait, je le regardais par-dessus les journaux que j'étais en train de lire. Avais-je commenté à haute voix l'article qui m'intéressait tant, je n'en sais rien. Mais les paroles de ce vieil homme se trouvaient en directe réponse à mes pensées. Son apparence, en tout cas, suffit à m'intriguer. Je n'avais jamais vu un vieillard si blême, si mince et muni de si drôles de cheveux pâles, comiquement ramenés en travers d'un crâne glabre. Il paraissait timide et nerveux. Incessamment, il tourmentait une cordelette entre ses doigts maigres et longs. Il y accumulait, puis défaisait, des nœuds si extraordinairement compliqués. Je m'aperçus par la suite qu'il ne pouvait guère parler sans manier quelques ficelles. Et cependant, répondis-je, ainsi que cet article l'expose, rien que dans l'année dernière, 6 crimes ont complètement dérouté la police. Leurs auteurs sont encore en liberté. Pardonnez-moi, dit-il doucement. Je ne me suis jamais aventuré jusqu'à prétendre qu'il n'y a pas de mystère pour la police. J'ai simplement fait remarquer qu'il ne saurait y en avoir lorsque le crime est examiné avec intelligence. Même dans l'affaire de la rue Fenchurch, peut-être, demandai-je d'un ton très sceptique. Surtout pas dans le prétendu mystère de la rue Fenchurch, répliqua-t-il tranquillement. À cette époque, le mystère de la rue Fenchurch, ainsi que l'on disait, déroutait tous les esprits en Angleterre. Et cela depuis 1 an. L'attitude de ce petit vieux ratatiné dans son coin était donc prétentieuse, agaçante, et je répliquais, non sans ironie, « Quel dommage, vraiment, que vous n'offriez pas vos services à la police. Il lui serait bien utile. »« Mon Dieu, je crois bien tout d'abord qu'elle ne les accepterait pas. Et puis, si je devenais un détective officiel, mon sentiment et mon devoir se trouveraient en conflit trop direct. Il arrive très fréquemment, en effet, que mes vives sympathies vont aux criminels assez subtils pour rouler notre police. Certainement, le cas auquel vous venez de faire allusion commença par me dérouter, moi comme les autres. Vous le rappelez-vous bien? Le 12 décembre dernier, une femme pauvrement vêtue, mais qui semblait par je ne sais quoi dans sa démarche et son regard, avoir connu des jours meilleurs, informa Scotland Yard de la disparition de son mari, M. William Kershaw, sans occupation fixe depuis un certain temps. Elle était accompagnée par un ami, un gros Allemand huileux. Tous deux racontèrent une histoire qui mit immédiatement la police en mouvement. Il paraît que le 10 décembre, à environ 3 heures de l'après-midi, Karl Müller, l'Allemand, avait été voir son ami William Kershaw pour lui réclamer une petite somme, quelque chose comme 10 livres, que ce dernier lui devait. En arrivant au malpropre logement de la rue Charlotte, il trouva William Kershaw dans un extraordinaire état d'émotion et sa femme en pleurs. Müller essaya d'exposer l'objet de sa visite, mais Kershaw, gesticulant frénétiquement, ne l'écouta pas et l'abasourdit en lui demandant un nouveau prêt de 2 livres. Cette somme, déclara-t-il, procurait une fortune, et à lui-même et à l'ami qui l'aiderait. Après 1 quart d'heure de tergiversation, Kershaw, pour convaincre l'Allemand qui ne voulait rien savoir, se décida à lui expliquer le grand secret qui, affirmait-il, le rapporterait 1 000 000. J'avais posé mon journal. Cet étrange bonhomme, malgré son air nerveux, ses yeux timides et son toupet de filasse, avait une façon de raconter extraordinairement intense, presque fascinante. « Brièvement, voici l'histoire, » continua-t-il, que l'Allemand raconta à la police et qui fut confirmée dans tous ses détails par Mrs. Kershaw. Une 30aine d'années auparavant, Kershaw, alors âgé de 20 ans et étudiant en médecine dans un hôpital de Londres, avait un camarade intime nommé Barker, avec lequel il vivait. Un autre de leurs amis habitait avec eux. Ce dernier rapporta un soir à la maison une grosse somme d'argent qu'il avait gagnée aux courses. Et le lendemain, il fut trouvé dans son lit, assassiné. Kershaw, heureusement pour lui, put produire un net alibi. Il avait passé toute la nuit à l'hôpital. Quant à Barker, il disparut avant qu'on lui demandât des explications et la police ne put le retrouver, mais Kershaw, du moins selon ce qu'il affirma à l'Allemand, fut plus heureux que la police. Barker était parvenu à quitter le pays et, après diverses vicissitudes, avait fini par s'établir à Vladivostok, en Sibérie asiatique, où, sous le nom de Smethurst, il avait amassé une énorme fortune dans le commerce des fourrures. Là-bas, tout le monde connaissait Smethurst, le millionnaire sibérien. L'affirmation de Kershaw, d'après laquelle Smethurst se serait appelé jadis Barker et aurait commis un meurtre il y a 30 ans, ne fut jamais, notez-le, jamais prouvée. Je relate seulement ce que Kershaw dit à son ami l'Allemand et à sa femme ce mémorable après-midi du 10 décembre dernier. Selon lui, Smethurst, dans sa si droite carrière, avait commis plusieurs fois la gaffe gigantesque de correspondre avec son ancien ami William Kershaw. Deux des lettres en question présentaient peu d'intérêt, ayant été écrites plus de 20 ans auparavant, et en outre, Kershaw les avait, affirmait-il, perdues depuis longtemps. Selon lui, la première portait le timbre de New York, où Smethurst, alias Barker, se trouvait dans le dénuement après avoir dépensé tout l'argent du crime. Kershaw, alors dans une situation très prospère, lui avait envoyé un billet de banque de 10 livres en souvenir du vieux temps. Plus tard, la situation de Kershaw ayant commencé à déchoir, Smethurst, comme déjà il s'appelait, envoya à son tour de l'argent, 50 livres, à son ami d'autrefois. Après cela, selon ce que Muller avait cru comprendre, Kershaw s'adressa plusieurs fois à la bourse toujours croissante de Smethurst et finit par accompagner ses demandes de diverses menaces. Menaces, quitte à donner l'éloignement de la contrée où vivait le millionnaire, étaient plus que futiles. Mais maintenant quelque chose de décisif se préparait. Kershaw, après un dernier moment d'hésitation, remit à son ami l'Allemand ses 2 dernières lettres, qui paraissaient avoir été écrites par Smethurst et qui, vous vous le rappelez, jouèrent un rôle si important dans la mystérieuse histoire de ce crime extraordinaire. « J'ai le texte de ces 2 lettres, » ajouta le bonhomme en sortant un morceau de papier d'un vieux portefeuille. Il commença à lire. « Monsieur, vos demandes d'argent sont injustifiables et scandaleuses. Je vous ai déjà aidé plus que vous ne le méritez. Néanmoins, en souvenir du vieux temps, et parce que vous êtes venu une fois à mon aide, alors que je me trouvais dans de terribles difficultés, je veux bien en imposer une de plus à ma bonté. Un de mes amis, un marchand russe auquel j'ai vendu mon négoce, part dans quelques jours sur son yacht pour un long voyage qui le mènera de nombreux ports d'Asie et d'Europe. Il m'a invité à l'accompagner en Angleterre. Étant là des pays étrangers, et désireux de revoir la vieille patrie après 30 ans d'absence, j'ai résolu d'accepter son invitation. Je ne sais quand nous arriverons en Europe, mais je vous promets qu'aussitôt que cela sera possible, je vous donnerai rendez-vous à Londres. Rappelez-vous que si vos demandes sont exagérées, j'y opposerai un être fût et que nul homme au monde ne se soumettrait moins que moi à un chantage persistant et inexcusable. Recevez, monsieur, mes salutations. Francis Smethurst. La seconde lettre portait le timbre de Southampton, continua tranquillement le bonhomme en jouant avec sa ficelle. Et, détail curieux, elle était la seule parmi celles que Kershaw déclarait avoir reçues de Smethurst, dont il possédait encore l'enveloppe et qui fut datée. Elle était très brève, écoutez. « Monsieur, selon ma récente lettre, je vous informe que le Tarsco et Cello touchera à Tilbury mardi prochain, 10 courants. Je descendrai à terre et immédiatement me rendrai à Londres par le premier train. Vous pouvez, si vous le voulez, me trouver à la gare de Fenchurch Street, tard dans l'après-midi, celle d'attente des premières. Comme depuis 30 ans mon visage a certainement beaucoup changé, je vous préviens que je porterai une forte pelisse et un bonnet en astrakan. Vous pourrez ainsi vous présenter à moi et j'écouterai personnellement ce que vous avez à me dire. Salutations distinguées, Francis Smethurst. » C'est cette dernière lettre qui causait l'émotion frénétique de William Kershaw et les pleurs de sa femme. D'après les dires de l'Allemand, il arpentait la pièce comme une bête fauve, en gesticulant sauvagement et en balbutiant. Mrs. Kershaw, toutefois, était pleine d'appréhension. Elle se défiait de cet étranger qui, selon le récit même de son mari, avait déjà un crime sur la conscience, et qui, redoutait-elle, en risquerait bien un autre pour se délivrer d'un ennemi dangereux. Le rendez-vous pouvait être, disait-elle, un dangereux piège. En tout cas, il était bien singulier. Pourquoi, par exemple, Smethurst ne préférait-il pas voir simplement Kershaw à son hôtel le jour suivant? 1000 pourquoi et comment la rendait très anxieuse. Et puis, elle n'ignorait pas que la loi est sévère pour les maîtres chanteurs. Elle désapprouvait ce projet au nom de la morale. Mais les visions de fortune mises en l'imagination du gros Allemand par les dires de Kershaw l'avaient décidé. Il prêta les deux livres nécessaires à son ami pour s'habiller proprement avant de rencontrer le millionnaire. Une demi-heure après, Kershaw quitta son logis. Sa femme et son ami ne devaient plus le revoir. Mrs. Kershaw attendit anxieusement et vainement toute la nuit. Le jour suivant, elle fit au hasard quelques recherches futiles dans les environs de la rue Fenchurch. Le 12, elle alla à Scotland Yard dire tout ce qu'elle savait et remettre à la police les deux lettres signées Smethurst. Le bonhomme, dans le coin, avait achevé son verre de lait. Ses yeux bleus contemplaient avec satisfaction l'intérêt évident et vif que je prenais à ses paroles. « Ce ne fut que le 31 décembre, reprit-il, qu'un cadavre abominablement décomposé fut trouvé par deux débardeurs au fond d'une barque hors d'usage. Cette barque avait été un certain temps amarrée au pied de l'un de ces escaliers qui, entre deux grands entrepôts, mènent à la Tamise dans l'est de Londres. J'ai une photographie de l'endroit. Tenez. » Il la prit dans son portefeuille et la plaça devant moi. Vous voyez cet escalier sinistre, aux marches branlantes, qui se continue au sommet, par cette sombre ruelle. La barque n'y était plus, quand je pris cet instantané, mais, hein, quel endroit parfait cette allée constitue pour couper la gorge à quelqu'un, confortablement, sans nul risque d'être découvert. Le corps, ainsi que je l'ai dit, était décomposé au-delà de toute possibilité de reconnaissance. Il se trouvait là, probablement depuis 8 à 10 jours. Mais divers objets tels qu'une bague d'argent, une épingle de cravate et des boutons de manchette permirent à Mrs. Kershaw de déclarer que ce cadavre était bien celui de son mari. Naturellement, elle désigna un grand Chris Smethurst comme le meurtrier. La police trouva cette argumentation très légitime et 2 jours après la découverte du corps dans la barque, le millionnaire sibérien fut arrêté dans son appartement luxueux de l'hôtel Cécile. Pour dire vrai, à ce moment, je me sentis déconcerté. Dès que le récit de Mrs. Kershaw et les lettres de Smethurst parurent dans les journaux, je recherchais anxieusement le motif du crime attribué par la police à Smethurst. Mais à ce moment, je n'y voyais encore pas clair dans ce cas compliqué. La théorie généralement acceptée était que le Forus avait voulu se débarrasser d'un dangereux maître chanteur. Eh bien, ne vous a-t-il pas paru que ce motif était bien peu important? En réponse à la question du bonhomme, je dus reconnaître qu'au contraire, ce motif m'avait alors et toujours paru fort sérieux. Vous avez mal réfléchi. Certainement un homme qui avait réussi à édifier une immense fortune par ses propres efforts ne pouvait être assez imbécile pour redouter quoi que ce soit d'un homme comme Kershaw. Il devait savoir que Kershaw ne détenait pas de preuves définitives contre lui, en tout cas pas assez pour le mener à la potence. « Avez-vous jamais vu Smethurst ?» ajouta-t-il en fouillant une fois de plus dans son portefeuille. Je répondis que j'avais vu le portrait de Smethurst au moment de cette affaire, dans les journaux illustrés. Il plaça devant moi une petite photographie. « Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans cette figure ?» Certainement l'expression étrangement étonnée, due à l'absence totale de sourcils, et à la coupe singulière des cheveux. On croirait même, n'est-ce pas, que le crâne a été rasé. Exactement. C'est ce qui me frappa le plus, quand en me frayant péniblement mon chemin dans le public du tribunal, le jour de l'enquête du coroner, j'aperçus pour la première fois le millionnaire au banc des accusés. Il m'apparut comme un homme de haute taille, l'air militaire, raide, la face bronzée et tannée. Il ne portait ni moustache ni barbe, et ses cheveux étaient tondus d'aussi près que possible, comme ceux d'un conscrit français. Mais naturellement, ce qui me frappa le plus dans son aspect, c'était cette totale absence de sourcils et même de cils qui donnait à son visage un air si particulier, un air, comme vous le disiez, perpétuellement étonné. Il était d'ailleurs très calme. Il bavardait et plaisantait même avec son avocat, Sir Arthur Inglewood, entre les divers témoignages. Pendant les dépositions, il restait assis très placidement, la tête dans les mains comme un homme qui rêve. Muller et Mrs. Kershaw refirent le récit qu'ils avaient déjà fait à la police. « Vous m'avez dit, je crois, que vous n'eûtes pas la curiosité d'aller assister à la séance du tribunal ce jour-là. Voici un instantané que j'ai pu y prendre de Mrs. Kershaw. Voyez-la telle qu'elle se tenait à la barre, habillée sans goût, dans un deuil surchargé avec un chapeau qui avait jadis porté des roses rouges et sur lequel des débris de pétales roses pendaient encore parmi le noir intense. » Elle ne voulut pas regarder le prisonnier, et avec une affectation presque comique de colère et de mépris, elle se tourna obstinément vers le magistrat. J'imagine qu'elle avait beaucoup aimé son vagabond de mari, car autour de son annulaire gauche, une énorme alliance était garnie de noir.